t'es parti? Dis-moi pourquoi t'es parti? Maman, c'est quoi ça? Dis-moi pourquoi t'es parti? Ah, maman, c'est quoi ça? Dis-moi pourquoi t'es parti? Ah, maman, c'est quoi ça? Dis-moi pourquoi t'es parti? T'as déjà oublié ce qu'on a vécu. Où tu me disais, bébé, je t'aimais. Sans toi, je ne peux pas avancer. Sans toi, je ne peux plus manger. T'as pas faim? Ah, maman, c'est quoi ça? Dis-moi pourquoi t'es parti. Ah, bébé, c'est quoi ça? Dis-moi pourquoi t'es parti. Ah, nounou, c'est quoi ça? Dis-moi pourquoi t'es parti. T'as déjà oublié tes petits enfants qui n'ont rien à faire dans nos problèmes. N'écoute pas ce que tes amis te disent. Ah maman c'est quoi ça? Dis-moi pourquoi t'es parti. Ah nounou c'est quoi ça? Dis-moi pourquoi t'es parti. Chéri coco, je meurs, je crie. Pourquoi tu m'as fait ça bébé? Je te dis aïe maman. Je te dis aïe papa la nana. Je te dis chéri coco, je meurs. Pourquoi tu m'as fait ça bébé? Je te dis aïe à coco. Je te dis aïe non non non non non. Je te dis sonangara sonangara jelonangé. Sonangara sonangara bilonangé. Sonangara sonangara sonangara. Dorothée à tout Bélo Dej Fato. Sonangara sonangara sonangara. Je t'ai dit, aïe maman, aïe. Je t'ai dit, le vieux père Allah, il dort. Je t'ai dit, aïe mon amour. Je t'ai dit, chéri coco, je meurs, j'ai crié. Pourquoi tu m'as fait ça, bébé? Je t'ai dit, aïe maman, oh. Je t'ai dit, aïe papa, la la la. Je t'ai dit, Capé solo.